Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux dépensent en violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Contactez le 02 38 43 48 00. Bring the music in the building. Gentlemen, bim maribam, bim maribam. O gagné o perdé. Brother music in the house, that's a bass but a win. Ricky man in the house, that's a bass but a win. Subboy in the house, that's a bass but a win. Dynamo in the house, that's a bass but a win. Já não bem tudo, não te pronto para arrancar que esse move. Dizendo na para apagar que luz, tá dançando muito, tamo de olho na escuta. 40 de temperatura, fresquinha para tramar quintura. Está promo da pomo na altura, hoje vai bem para fazer loucura, yeah. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. A bobe, boa ti tá manda. Hoje ninguém cá te leva mal. Escoço é um festa de carnaval. Oh, oh, oh, tudo maneiro é batagar. Oh, oh, oh, batucada na lugar. Oh, ganhar o PD, tô tendo pra viver. Oh, ganhar o PD, tô tendo pra viver. Oh, ganhar o PD, tô tendo pra viver. Oh, ganhar o PD, tô tendo pra viver. Quando eu tenho muito doce, estás mal chuclar. Mas como é bobo, podes mal quitar. Queria ouvir minha voz, eu sou liga borrar. Creio o Yambo, tô te amendo, meio sabe. Sem guerra, nem a terra, não crê. Manchei na festa, não crê. Oi, a criolas, mexer. Trazemos amiga, vou dizer que hoje bebê já na boca. Sem compromisso, me bebe na porta. Mim tem que temper, tá na moda. Toma minuto, dou-me a fazer do roda. E tem que esbotar, só tá a gostar. E tem que escusar, que só tá a gostar. Trazer só quem já tá a aguentar. Que foi ressaca, tá bem manhã. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. É o que você rima? Brother Music in the house, a saber botar muito. Reggae Man in the house, a saber botar muito. Boy in the house, a saber botar muito. Dynamo in the house, a saber botar muito. Dans la cour de l'école.

96.2 FM, la radio qui nous aime. Mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro. Je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. La ville scintille au loin dans la nuit. On arrive, massif RS6 fait du bruit. L'État en panique, alors ça que ça grippe. C'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Les pétales, ouais, ouais. C'est sale. Quand il y a tous mes rapes, on fait chiser le marchand de sable. Et on t'invite à nos tables, ouais. Ça va trop vite. Pour les bouteilles, c'est vide. On va rester poli. N'appelez pas la police. Ça va trop vite. Pour les bouteilles, c'est vide. On va rester poli. N'appelez pas la police. La ville, Saint-Denis, au loin, dans la nuit, on arrive. Massif RS6 fait du bruit, les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. La dolce vita, la dolce vita.

pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais être un oiseau. Dodo. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que jamais contre toi. Moi je m'en doutais. Des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart.

Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Allô Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi. Lola, allô Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de haut la Lola. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti, yo te lo juro, no te haré sobre. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Tengo que sí. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. La folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête à son harmonie. Elle me dit tu paieras tes délits quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes. Tu m'as phobie dans la désarmée.

m'accroche à tes mots dans le moindre détail.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. De novo, que me abraces de novo. Sou mais uma. je n'ai que des souvenirs, que des bleus sur mes photos. Tu t'envoles et une promesse. Oui, oui, oui, oui. Quand tu ne m'appartiens pas. Lorsque ton bras se s'égare, je ferai point d'enfant tout seul le matin tard. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, oh, dis-moi si tu aimes ça, Ouna. Car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. Tâche les bras, quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Le voyeur en redemande, moi je ne veux que Ouna. De plus belles des plus belles jambes et de la place pour toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça, Ouna. Dis-moi, dis-moi, non je ne crains. Tu ne m'appartiens pas. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire? Que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes. Un amour ou pas, quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi?

était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Bureau en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Baby, quand je te vois baila, la la la, baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois baila, la la la, yeah. Notre histoire, j'en fais un film, j'en fais une saga. On s'est connus un jour d'été à Malaga. Y'a encore ton odeur quand je défais mes bagages. Y'a encore nos deux cœurs suspendus dans les nuages. Je la taquine le matin quand elle se maquille. Elle aime la rumba, elle danse sur ta kisaki. Donne-moi ta main qu'on danse toute la vie. Baby, baby, oh, baila. Toute la nuit, tu es si belle, mi amor, baila. Je pourrais te regarder toute ma vie, te regarder quand tu oh, baila. La lune et les étoiles aussi, te regarde quand tu oh, baila. Ya la oh, baila. Ay papa mio, asema. C'est celui qui brille, même quand le ciel s'assombrit. Ay papa, es mia siempre. Caché dans ce petit village. Ay, que calor que hay aquí. De Puerto Rico, je le mène à Miami. Et mi amor, yo soy Kenji. Je te kidnappe, je t'emmène à Gitani. Le matin, elle a fait son petit sac à dos pour que je l'emmène en balade sur la moto. Je la rassure, bebecita. Morena pour le pire et le mejor. Baila. Toute la nuit, tu es si belle, mi amor. Baila. Je pourrais te regarder. La lune et les étoiles aussi, te regarde quand tu oh baila. Y'a la oh baila. On se connaît, connaît, connaît. Maintenant je veux ta droga, droga, droga. Baby on se connaît, connaît, connaît. Maintenant t'es ma droga, droga, droga. Baby on se connaît, connaît, connaît. Maintenant je veux ta droga, droga, droga. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisada y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Cuando me da vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me paso imaginando que. Imaginando que. Contigo me casé. Oh, yeah. Y por siempre te amé. Love you, girl, good girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada minuto. Me da vuelta, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Y me la paso imaginando que. Imaginando que. Contigo me casé. Oh, yeah. Y por siempre te amé. We ready, yeah. Imagínate que tú conoces lo que es conocer. Yo me convierto en lobo después de la doce. Si no tuviera mi loba, ¿pa' que la despose? Me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle mucha compé. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, chiqui, chiqui, chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La catica no me controla. Estás dudando, yo lo sé. Pero me quieres. es un atajo y lo quieres por ojo. Yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.

riche que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses poches. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. São 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Em destaque nesta edição... A Marinha já ordenou uma inspeção ao navio Mondego. Quer saber se a embarcação tem ou não condições de segurança. Os militares que recusaram entrar no navio vão ser alvo de processos disciplinares. Sobre este caso, há pouco, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a importância da manutenção. O preço elevado de alguns alimentos não se resolve com o IVA zero. É essa a convicção do Ministro das Finanças. E a previsão para amanhã é da subida da temperatura máxima, em especial no interior. Um dia que será de sol, ainda assim com algum nevoeiro durante a manhã. Açores com chuva durante a madrugada e amanhã. Para a Madeira, a previsão de uma pequena descida de temperatura com um dia de sol, cujas nuvens deverão aumentar lá mais para o final do dia. Nesta altura, no Porto, estão 15 graus, 17 em Ponta Delgada, 18 em Lisboa, 21 em Faro e no Funchal. As notícias às 4, a edição é de Ana Sofia Freitas. A Marinha pediu uma inspeção ao navio Mondego. Quer saber que condições de segurança tem este navio. Depois de um grupo de militares ter recusado embarcar para cumprir uma missão militar, os 13 militares vão ser substituídos e vão ser alvo de processos disciplinares. Joana Carvalho Reis. Os militares que recusaram embarcar no navio Mondego vão ser substituídos por outros que se juntam à restante tripulação. Estes militares tinham alegado razões de segurança para não cumprirem a missão de acompanhamento de um navio russo ao largo da ilha de Porto Santo. A Armada decidiu investigar e logo ontem foi enviada uma equipa para fiscalizar o navio, que já começou o trabalho. Quanto aos militares, o porta-voz da Marinha explicou à Antena 1 que há dois processos em paralelo. Um interno, uma investigação que já foi aberta e que pode determinar processos disciplinares. Ao mesmo tempo, como pode também estar em causa matéria criminal, a Marinha já enviou informações à Polícia Judiciária Militar. Neste caso, o processo é externo e pode chegar ao Tribunal com determinação de sentença e cumprimento de penas. A Marinha considera que os 13 militares não cumpriram os deveres que tinham, desobedeceram a uma ordem e assumiram funções e responsabilidades que não correspondem aos cargos que têm. Os militares podem mesmo vir a ser acusados do crime de mutim. Há pouco, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse em Peniche que está em curso uma inspeção e lembrou também a importância do investimento na Marinha. É uma das prioridades no presente e no futuro próximo a manutenção. O orçamento para 2023 já reforçou muitíssima manutenção, que aliás é comum a todos os ramos das Forças Armadas, não é só na Armada, a necessidade de manutenção. A lei de programação militar que está em preparação vai reforçar o financiamento da manutenção. Porque como nós sabemos, e como a senhora ministra ainda há dias, numa entrevista, disse, sem manutenção há riscos de obsolescência e, portanto, de degradação das capacidades militares portuguesas. Declarações do Presidente da República há pouco sobre este caso. O PSD também já veio pedir explicações. O deputado Jorge Paulo Oliveira quer que a Ministra da Defesa dê conta do estado dos navios na Marinha. O que está sobretudo aqui em causa e é importante realçar é a degradação a que temos assistido nas nossas Forças Armadas. Nós, enquanto não recuperarmos em termos de equipamentos, enquanto não dotarmos as nossas Forças Armadas dos meios necessários, dos equipamentos necessários, estas situações provavelmente se verificarão no futuro, como já se verificaram no passado. E o foco aqui, e o principal aqui, é que, de facto, o Governo garante aos portugueses, informe os portugueses, esclareça aos portugueses se as nossas Forças Armadas tenham ou não os mecanismos disponíveis, tenham ou não os equipamentos para cumprir o papel que lhes está atribuído. E os factos, e os episódios, e os incidentes que têm vindo a lume diz-nos exatamente o contrário. As perguntas do PSD, depois de 13 militares terem recusado embarcar num navio da Marinha, alegando razões de segurança devido ao estado de degradação deste navio português. A Associação Portuguesa de Bancos garante que os bancos estão a fazer o possível para renegociar os créditos à habitação, mas não conseguem resolver a falta de rendimentos das famílias. Foi o que disse há pouco Vítor Bento, que foi chamado ao Parlamento a pedido do Partido Social Democrata. Os bancos poderão ajudar os seus clientes na medida das suas possibilidades, terão toda a disponibilidade desse sentido, até porque é do seu interesse, que isto é uma matéria que eu acho que era importante que fosse percebida. É do interesse dos bancos que os seus clientes tenham as maiores possibilidades de cumprir as suas obrigações creditícias. Os bancos, na medida do possível, e tanto quanto eu sei, têm feito todos os possíveis para colaborar na medida que lhes é possível para colaborar nisso. Agora, eles não conseguem resolver todos os problemas das famílias. Há questões de insuficiências de rendimento das famílias que têm que ser resolvidas noutra sede. Declarações de Vítor Bento no Parlamento a fazer um balanço sobre a renegociação dos créditos à habitação. A Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo vai estar em funcionamento até ao verão. A garantia foi dada esta tarde no Parlamento pela Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Isabel Costa. A reformulação do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vai ser analisado em Conselho de Ministros a 6 de abril. Levaremos o diploma a Conselho de Ministros no próximo dia 6 de abril, para que esta reforma possa estar em vigor no verão. O anúncio da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, feito aos deputados numa audição no Parlamento, junta-se à garantia de que o processo vai ser tranquilo. Os trabalhadores das carreiras gerais passarão, na sua maioria, para a nova Agência Portuguesa das Migrações e Asilo, passando os inspectores